Et avec notre ami Willy Boivin, c'est la grande finale du championnat national. Salut Willy! Hey, bonjour, bonjour. Hey Willy, je veux te parler, c'est sur la ESPN. C'est un éternel débat avec la NCAA. Hein. Est-ce que des joueurs devraient être payés ou pas? T'as-tu vu comment que ça va coûter ce soir pour un billet moyen sur ce tabac? Oui, bien, on parle dans les quatre chiffres, hein, je crois. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de billet en bas de 1 000 $, c'est ça? Oui, c'est ça. Le gars, ça l'a monté de façon terrible. C'est rendu à 2 300 $ sur ce tabac. Et l'éternel débat, c'est est-ce que les joueurs devraient être payés? Tu sais, il va y avoir des millions de codes d'écoute ce soir pour le match du championnat national. Rien qu'au Québec, on ne suit pas ça, mais ça, c'est un autre débat. Puis là, finalement, les joueurs ne sont pas payés. Est-ce que c'est dépassé, ça? Puis comment quand... je sais pas si tu suis un peu le basket également, de la NCAA, il y a également une... Tu sais, il y a eu un scandale aussi avec Rich Pitino aussi. Est-ce qu'on devrait voir trouver une façon de payer ces joueurs-là? C'est dur à dire et c'est dur à répondre comme question. C'est comme tu l'as dit, Danny, c'est un éternel débat depuis plusieurs années, quasiment plusieurs décennies dans le football universitaire, surtout dans les dernières années où ça a pris de l'ampleur au côté marketing. Les matchs sont écoutés par des millions de téléspectateurs à la télévision. Il y a des milliers de gens qui se rendent sur place dans les stades pour remplir les différents stades de partout aux États-Unis pour leur équipe favorite du circuit universitaire. Alors, c'est un éternel débat et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore des réponses aujourd'hui. Ce sera les gens d'Intier qui devront trancher là-dessus, parce que c'est clair que des cas qui ne sont pas nécessairement potentiels et naturels. C'est-à-dire que des gars comme Ezekiel Elliott, qui est maintenant le porteur de ballon des Cowboys de Dallas, lui se faisait donner plusieurs commandites et bourse également d'études qui lui ont permis de payer en grande partie son baccalauréat à l'Université de l'Ohio, mais également avoir des petits suppléments là en étant la tête d'affiche de des compagnies telles que Adidas, Nike et compagnie. Donc, les gars n'ont pas de salaire versé nettement semaine après semaine ou un salaire annuel ou un salaire mensuel, mais ils ont tellement de petits bonbons à gauche, à droite qu'ils sont quasiment rémunérés. Mais bon, ils ne le sont pas comme de vrais athlètes professionnels. Et c'est ça la notion. Moi, je pense encore qu'il y a des joueurs universitaires, même si aux États-Unis, c'est 50 fois plus gros de ce qu'on peut voir, nous, ici, au Québec ou au Canada. Les joueurs restent tout de même des athlètes universitaires, des étudiants athlètes. Donc, moi, j'ai de la misère à les catégoriser, là, athlètes professionnels, puisqu'ils ne sont pas encore dans un circuit professionnel. Bon, est-ce qu'on devrait catégoriser la division 1 de la NCAA football comme un circuit professionnel? Ben, ça, c'est une autre question que je ne peux te répondre aujourd'hui. Mais j'aime, moi, garder la notion du sport-études. J'aime garder la notion, on en avait même parlé dans notre dernier entretien, c'est ce qui rajoute un petit cachet du football universitaire de la NCAA. C'est que c'est des étudiants athlètes, c'est des gars qui se défoncent pour le programme de l'école, pour le programme universitaire, et non pas pour une équipe sportive avec un chèque au bout de la ligne. Alors, c'est difficile à répondre, mais c'est clair que quand on voit des chiffres astronomiques comme la finale de ce soir entre Georgia et Alabama, le stade des Falcons, le Mercedes-Benz Stadium qui sera rempli à craquer avec des billets pas en bas de 1 000 $, écoute, c'est clair qu'on se demande, est-ce que les joueurs sur le terrain devraient être rémunérés? C'est une sempiternelle question là que on n'aura pas encore fini de répondre, j'ai l'impression, dans les prochaines années. Mais c'est assurément un dossier, peut-être, que le gouvernement américain avait en partenariat avec l'NCAA, devra se pencher, parce que on n'arrête pas d'en parler, puis il y a des cas qui sont assez spéciaux, merci, comme celui d'Ezekiel Elliott que je t'ai énuméré. Faut dire que, par contre, que souvent, ce qui arrive, c'est que il y a des joueurs, tu sais, ça aide aussi, il y a beaucoup d'argent, mais ça aide aussi à financer les programmes qui sont moins qui reçoivent moins d'attention. Je pense entre autres au tennis, ça peut être également au hockey, même le hockey, le baseball, le NCAA, c'est pas très populaire. Le hockey sur le gazon, il y a une multitude de disciplines qui sont financées en raison de la popularité du football de la NCAA et du basketball de la NCAA. C'est pour ça, là. J'aime que tu m'amènes là-dessus, Danny, parce que on voit tout le temps des points négatifs avec les gigantesques programmes de football dans les universités, quand on pense à Michigan, à Ohio State, Notre-Dame, Alabama et compagnie. C'est des légendaires programmes de football. Ils font du profit là, astronomique, ouais. Match après match, année après année. Mais par contre, ce profit-là et l'argent là, donné par l'équipe de football est toujours réinvesti dans sur le site universitaire de l'université. Donc, je te donne comme exemple là, l'université du Michigan, qui, bon, par les temps qui courent, un petit peu plus de difficultés avec son programme de football. Mais les Wolverines, c'est un légendaire programme où Tom Brady a passé, puis je peux t'en nommer jusqu'à demain matin. Il faisait tellement d'argent, Danny, le programme du Michigan avec leur équipe de football dans les années 80, qu'ils ne savaient pas vraiment quoi faire avec tout cet argent-là. Donc, ils ont décidé d'acheter des machines en médecine et de développer le plus grand programme de médecine dans une université aux États-Unis qui est maintenant rendu à Michigan. Et ils ont tellement acheté d'appareils et de programmes intéressants pour les prochains étudiants en médecine que c'est rendu le plus gros programme et faculté de médecine dans l'université américaine à cause de l'équipe de football. Donc, je comprends qu'on voit plein de points négatifs et qu'ils sont tellement gigantesques contrairement aux autres sports et les autres sports passent dans les oubliettes contrairement à l'équipe de football. Mais il y a également des points positifs comme je viens de t'énumérer. Alors, il ne faut pas nécessairement juste broyer du noir avec les équipes qui font beaucoup d'argent. Ils réinvestissent ça dans l'université, tout comme Alabama maintenant qui a un très bon programme académique à cause de l'équipe de football qui faisait beaucoup trop d'argent et qu'on devait investir dans l'université. Alors, il faut arrêter de voir du noir. Il y a également des points positifs là, pour ces équipes-là qui, je te le dis poliment, en chient de l'argent. Ouais, c'est Doux qui est très, très... année après année, sont forts au basket, mais au niveau académique, sont extrêmement forts. Assez parlé des bourses, on va aller sur le terrain maintenant. À quoi tu t'attends ce soir? Écoute, Georgia qui ont battu Oklahoma dans un Rose Bowl la semaine passée, incroyable. Ça s'est soldé avec Baker Mayfield qui était le récipiendaire de Trophée Heisman qui a perdu mais qui a joué un excellent match. Est-ce que Georgia, tiré de l'arrière à la demi, 20, je pense que c'est 28-14, a gagné son bowl en remontant et en gagnant en deuxième période de prolongation contre Oklahoma, ou ce soir ils vont donner du fil à retordre à Alabama? Parce que j'ai regardé les experts, j'ai voyé sur ESPN, 41 experts, il y en a 34 qui favorisent Alabama. Oui, ben écoute, c'est une bonne question, Danny, puisque c'est clair que les Bulldogs de Georgia, qu'on ne voyait pas nécessairement se rendre à la finale de championnat et battre en demi-finale les Sooners de Oklahoma. Par contre, ils ne l'ont pas volé dans un match de football incroyable. Probablement, fait partie de mon top 5 des meilleurs matchs de football que j'ai vu là. Écoute, c'était incroyable. On avait toutes sortes de choses offensivement, défensivement qui s'est passé finalement. Victoire de Georgia en deuxième prolongation, 54-48. Écoute, c'est un match digne de Madden sur Xbox, là. C'était incroyable. Mais j'ai l'impression que les Bulldogs ont un peu de difficulté à se remettre de ces émotions de cette rencontre-là. Écoute, seulement gagner comme ça dans l'ivresse et avoir battu le récipiendaire du trophée Heisman, Baker Mayfield, de cette façon, c'est clair qu'on part et qu'on pense qu'on a déjà remporté quelque chose et un championnat. Par contre, ils devront rapidement revenir sur terre parce que la finale, bon, est une semaine plus tard. Ça se déroule ce soir du côté d'Atlanta contre les toujours puissants Crimson Tide d'Alabama. Mais j'ai hâte de voir vraiment au début de rencontre, Danny, comment les Bulldogs vont réagir et comment ils vont sortir dès le début de la rencontre. On sait que les équipes de Nick Saban sont toujours bien préparées, sont toujours bien rodées. Ils savent toujours à qui ils ont ils ont à faire face. Tandis que les Bulldogs, bon, moi je pense que cette année, ils méritent leur place en finale. Même plusieurs critiquaient leur place en série. Mais là, on a vu que c'est une bonne équipe de football qui mérite d'être en finale, de faire partie des deux meilleurs programmes de football universitaire cette année aux États-Unis. Alors, j'ai hâte de voir, par contre, comment ils vont sortir dès le début du match. Est-ce qu'ils seront encore dans l'ivresse de la victoire du Rose Bowl, ou bien on est là avec nos bottes de travail pour gagner et finir ce qu'on n'a pas encore fini? Alors, j'ai vraiment hâte de voir dès le début de la rencontre, et souvent, les équipes de Nick Saban sont bien préparées et frappent tôt dans le match. Alors, si les Crimson Tide peuvent prendre une avance de 14-0 au premier quart, ça pourrait être difficile pour les Bulldogs de revenir. Par contre, ils nous l'ont prouvé au Rose Bowl qu'ils sont capables de revenir malgré qu'ils étaient en déficit à la demi. Alors, c'est un match de football que j'attends avec impatience ce soir, Danny. J'ai l'impression qu'on aura tout un spectacle. Et je t'en avais parlé lors de notre dernier entretien, mais je sais que la finale de championnat national est un peu moins, suivie que le Super Bowl. Ça dépend pour quel amateur de football, mais moi, je te dirais, pour le commun des mortels, c'est sûr que le Super Bowl, c'est l'événement sportif sportif par excellence, mais pour la qualité du match sur le terrain, pour le match de football tel que tel. Habituellement, on a une meilleure rencontre de football pour la finale de la NCAA. Alors, j'ai l'impression que ce soir, on aura tout un show, mais j'ai vraiment hâte de voir comment les Bulldogs vont sortir, parce que j'ai un petit peu peur et j'ai un petit pressentiment que les Crimson Tide pourraient prendre l'avance très rapidement dans le match et qu'on pourrait avoir peut-être droit à une rencontre à sens unique. Oui, effectivement. Je suis actuellement sur un site qui parle du prochain repêchage qui est de la NFL. Et à Alabama, il y en a deux ou trois joueurs qui pourraient être dans les 10 premiers au repêchage de la NFL. Là. On parle de Calvin Ridley, le receveur de passe. Oui, absolument. Ensuite, Beau Scarborough, le porteur de ballon, est également un joueur de ligne dont j'oublie le nom. Mais les Crimson Tide d'Alabama, c'est toujours ça. Depuis que Nick Saban est à la barre de cette équipe, il y a trois ou quatre joueurs qui sortent en première ronde du repêchage de la NFL. Et souvent, les gars jouent dans des duels importants, dans des duels comme ce soir, les finales de championnat. Donc, tous les recruteurs sont là, regardent le match. Et souvent, quand tu réussis à avoir de bonnes performances dans des duels suivis de la sorte, ben, t'es capable de mettre un petit peu plus d'étoiles dans ton cahier à côté de ton nom. Alors, il y aura plusieurs, Danny, le prospect ce soir pour le prochain repêchage de la NFL. Un petit peu plus du côté d'Alabama que du côté de Georgia. C'est toujours la coutume année après année. Là, le Crimson Tide développe le plus grand nombre de joueurs pour le prochain niveau de la NFL. Mais retenez quelques noms ce soir, parce que ceux qui vont se démarquer auront assurément une carrière ou une chance de se faire valoir dans le prochain niveau qu'est la NFL. Le gars qui s'appelle Jake Fromm, là, de carrière de Georgia, il a 19 ans seulement, puis il a montré beaucoup de cas, ce gars-là. Il a tiré derrière 28-14 contre Oklahoma. C'est un freshman, je pense, un joueur de première année. Exact, c'est un freshman, il a 19 ans seulement. Première saison à la barre d'un immense programme, les Bulldogs de Georgia, où des gars comme Todd Gurley ont passé dans les dernières années, menés par un entraîneur là, qui a ramené le programme sur la map au courant des dernières saisons, qui là un peu récolte les fruits qu'ils ont semés au courant des dernières années avec une participation au championnat national. Mais tu fais bien de mentionner Jake Fromm, parce que c'est un gars qui ne sera pas repêché cette année, il est plus jeune, mais qu'on parle de lui comme un potentiel là, prospect de la NFL et un carrière qui pourra avoir une belle carrière dans la National Football League. Par contre, il devra gagner des rencontres importantes et des duels importants comme ce soir, la finale de championnat. Mais 19 ans seulement, Frenchman participer à une finale de championnat national, c'est déjà quelque chose. On se rappelle qu'il y a quelques années, Johnny Manziel à Texas A&M, lui, avait remporté le trophée Heisman en tant que freshman, mais n'avait pas su guider son équipe à la finale de championnat. Alors, est-ce que c'est mieux d'amener ton équipe à la grosse finale ou bien de remporter un trophée individuel? Je te laisse répondre à la question, mais moi, j'ai hâte de voir également comment Jake Fromm va pouvoir guider ses Bulldogs ce soir contre la puissante machine des Crimson Tide d'Alabama. OK. Willy Boivin du FM 93 de Québec, un gros merci. Ça a été fort agréable pour avoir les deux nos deux entrevues de la NCAA. 20h30 ce soir, présenté sur TSN et également RDS2. On se reparle un autre tantôt. Hey, grand plaisir, mon Danny. Puis manquez pas ça, vous allez avoir tout un spectacle. Du FM 93 de Québec, Willy Boivin.